Page 193. Exercice 4. 1. Cette famille a énormément d'argent, des biens immobiliers, des voitures de course. 2. Christian est absolument incapable de mettre de l'argent de côté. Quand il a quelques sous, il les dépense immédiatement. 3. Le pauvre Marcel n'a plus du tout d'argent. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. 4. Henri a fait abattre une cloison alors qu'il vient de faire repeindre son appartement. C'est ridicule! Il perd de l'argent! 5. Après un an de chômage et de gros problèmes financiers, Patrice vient de trouver un petit boulot. Cela lui permet juste de payer son loyer et de manger.